bo robi business style. Inside. Tu as doudé quoi, c'est moi qui fais le son. Oya matinga olele tama, oya matinga olele tama, oya matinga olele tama, madema levi kita mule olele tama. Dis blesse pour moi. Yes I. Soyez posé, voyez quand c'est bon, c'est bon. Alves de Bercy, le miroir. Yato kerna kemba de kuno salmeye, yato vina mosalala yato bango kelue. Toro bébé au micro pour mettre la joie dans le cœur de tous ces fans malobiko sandwaye. On descole la monnaie douvanaise. Fobaraye. James le riche douvanais. Allez Fobaraye. C'est le travail qui paye Fobaraye. Immerge ses pas la tempête des sous. Oya Martina, wole le tama. Oya Martina, wole le tama. Yannike, Yannike, le pétrole tama. Adama le bigi tamule, wole le tama. Mano, mano, bixti, wole le tama. Baro, baro, bourgeois, casse au sucre tama. Maneke, Romana, Bramo, Vicha tama. C'est le travail qui paye. Le comte condé de Zurich, le précieux de Zurich, bannisse le silence. Et dans le silence, puissance gaouti, cadet, cadet, diaba, cadet. C'est dans la sueur de son front que l'on gagne son père. Mikou Montana, maman maniche l'alma. Faux barabe, le sconi premier. Yana Sagala, Sagazide, Awede, son excellence. Alvaro Montero, Donovan Arrobas. L'essentiel de la vie, ce n'est pas d'être fort, mais être toujours mieux. Toi-même tu sais, yes I. Anonymat le phénomène, la palume. Oh ya Martina, olé le tiama. Angelo Pasta. Oh demain le premier, olé le tiama. Stéphi Sefa, olé le tiama. Madame Alobiki Samoulé, Roland le Bengi. DJ Sénat. Oh ya Martina, j'ai mis le tiama. Famille Gouston, Africains. C'est pour très bientôt, on fait la paix au pays.